Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, quatrième traité, premier paragraphe. Marie, coopératrice de l'œuvre de la rédemption du genre humain. Note du traducteur, notre auteur, comme beaucoup d'autres, notamment le Père Perronne, attribue le livre de Excellentia Virginis Mariae, dont il va être question ici, à Saint-Anselme. Il a été en effet imprimé parmi les œuvres du Saint-Docteur dans plusieurs éditions même très anciennes. Mais le Père Gerberon, bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, dans son édition, qui est la plus estimée, affirme sans hésiter qu'il a été écrit par le moine Hidmer. Son sentiment suivi par Wharton Monsieur de Rame, et autres, repose sur la foi d'un manuscrit du bec et sur le style même de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, on peut croire que ce livre, souvent cité, rend fidèlement la doctrine de Saint Anselme, car Hidmer, disciple, ami, confident, collaborateur et compagnon inséparable du saint, n'a fait souvent dans ses écrits que développer la pensée de son maître. Fin de la note. Je crois ne pouvoir mieux faire ici que d'emprunter la plume du docteur Saint Anselme et de transcrire tout simplement les réflexions que ce dévot serviteur de Marie nous a laissées dans le 9e chapitre de l'ouvrage intitulé « De Excellentia Virginis ». Voici ses propres paroles. Quelles louanges, quelles actions de grâce ne doit pas à la très sainte Vierge non seulement tout homme, mais toute créature? Par la sainteté toute pure, et la pureté toute sainte de son cœur, qui surpasse incomparablement la plus sublime perfection de toute autre créature, elle a mérité de devenir la digne réparatrice du monde perdu. Aussi nul homme ici-bas n'est capable d'apprécier la reconnaissance que lui doit le monde pour un bienfait si ineffable. Toutefois, de peur qu'on ne s'imagine que nous nous livrons à des exagérations, à la manière de ceux qui l'outre mesure, au lieu de nous borner à rappeler et à présenter aux méditations des fidèles l'exacte vérité, je me ferai un plaisir de m'étendre un peu sur les bienfaits que nous avons reçus par les mains de Marie. Bien qu'on ne puisse les exposer sans les affaiblir, il suffit de les considérer pour être accablé par l'immensité des obligations que nous lui devons. Écoutez donc, je m'adresse à tous les siècles, pour autant que mes forces me le permettent, je raconterai à quelle dignité nous avons été élevés par les mérites de cet auguste reine. L'homme fut créé dès le commencement à l'image et à la ressemblance de Dieu, destiné à jouir à jamais de ce Dieu et à devenir un jour participant de sa gloire immuable dans le ciel. Mais la nature humaine à peine créée, perdit, dans la personne de nos premiers parents, cette destinée si noble, l'homme devint sujet à toutes les misères que nous éprouvons sur la terre, et pour comble d'infortune une éternité de malheur l'attendait après cette vie. Des siècles s'écoulèrent, et les effets de cette fatale condamnation pesaient de plus en plus sur la postérité d'Adam. La sagesse divine ne pouvait trouver dans toute la masse du genre humain une voie par où il entra dans le monde, afin de le relever de sa ruine, conformément à ses décrets éternels, jusqu'à ce qu'il en vînt à l'auguste Vierge, dont nous parlons. Aussitôt qu'elle parut sur la terre, l'éclat de ses vertus fut si grand, que la sagesse divine la jugea digne que par elle il s'unit à la nature humaine, afin que venant au monde, non seulement il effaça le péché du premier homme, mais encore ceux du monde entier, qu'il terrassa le démon, son ennemi, avec ses satellites, et qu'il répara en même temps les pertes de la patrie céleste, en y donnant entrée aux hommes. Quel est donc celui qui a cette vue pourrait apprécier les hommages que mérite celle qui, de préférence à tout autre, fut choisie pour être la médiatrice d'un si grand bienfait? Délivrés des chaînes de la mort qui nous retenaient captifs, nous ressuscitons à la gloire perdue par la faute de notre premier père, à une gloire plus grande même que celle qu'il perdit pour lui, et que nous perdîmes en lui. Nous tous en effet qui, encore retenus dans cette chair mortelle, cheminons au moyen de la foi vers la grâce que nous avions perdue, vers la patrie dont nous étions exilés. Nous passons à la dignité d'enfants de Dieu par les mérites du Fils béni de la bénie Vierge Mère, et nous acquérons ce même Fils pour frère. Lui-même, en ressuscitant de la mort, il nous appela ses frères, et avec la tendresse la plus touchante il voulut nous apprendre qu'il s'en allait vers son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Si donc, nous avons eu le bonheur d'avoir un tel père et un tel frère, c'est à Marie que nous le devons, c'est elle qui par son admirable fécondité nous a élevés à une si haute dignité, à une dignité que nous n'eussions jamais acquise si sa virginité féconde n'avait engendré le Fils de Dieu de sa propre substance. Or si, grâce à Marie, Mère de Dieu, la nature humaine a été exaltée dès ce bas monde à un si sublime degré d'honneur, considérez de quelle gloire elle sera couronnée dans le royaume céleste. Que chacun réfléchisse à la gloire, à la joie, au transport délicieux, dont jouiront ceux qui, admis dans la bienheureuse patrie, verront leur Dieu, le Seigneur de toutes choses revêtu de leur nature et semblable à eux. Si après cela les justes tournent leur regard vers Marie, par laquelle ils ont reçu le droit de participer à cette immense félicité, comme ils doivent tressaillir d'allégresse à cause de la majesté de cette auguste reine et de l'honneur qu'ils doivent à sa puissance. Oui, certes, toute créature se réjouira non seulement de voir le Créateur participer à notre nature, mais encore de voir Marie établie souveraine du ciel et de la terre, reine des anges même. Considérez ces merveilles, qui que vous soyez, descendant de la race d'Adam, élevez, autant que vous le pouvez, vos regards vers Marie, et voyez quels remerciements, quelles louanges, quels hommages lui sont dus de votre part. Puisque par son intégrité inviolable et son admirable fécondité, vous avez été délivré des derniers malheurs et élevé à la félicité suprême. Brisez la chaîne des affections terrestres, pour méditer ses insignes bienfaits, et ne cessez plus de rendre à Marie les actions de grâce qui lui sont dues. C'est donc Marie qui nous a apporté tous les biens en nous donnant Jésus-Christ. Dieu a voulu, Saint Bernard le dit avec raison, que nous recevions tout par les mains de Marie. Tout, absolument tout ce que nous possédons, nous le tenons de Marie, puisque c'est par elle que nous possédons l'auteur de tout bien, Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Marie, qu'il me soit permis d'user d'une expression de Saint Paul, si Marie nous a donné son divin Fils lui-même, comment pourrions-nous dire qu'elle ne nous a pas tout donné? Romains 8, 32. Elle nous a donné Jésus, en prêtant son consentement au mystère de l'incarnation, en fournissant le sang qui devait être la matière de notre rançon, en consentant de plus, comme disent quelques saints pères, à ce que Jésus marchât à la mort. Elle-même au pied de la croix a offert au Père Céleste, de concert avec son divin Fils, le grand sacrifice qui s'opérait pour notre salut, en sorte qu'il n'est pas étonnant que la plupart des saints pères aient donné à Marie les titres de corédentrice, de réparatrice du genre humain. Chacun de nous, oui, chacun peut dire, Sagesse, 7, 11, Tous les biens me sont venus par les mains de Marie, par elle j'ai acquis des richesses innombrables, des trésors inestimables. J'ignorais cependant que le sein de Marie fut la source d'où ces biens découlaient sur moi. Sagesse 6, 12. Et qui pourra rendre à Marie les actions de grâce qu'elle mérite pour des bienfaits aussi signalés? Qui pourra, ô Marie, vous rendre les actions de grâce qui vous sont dues, et publier dignement vos louanges? Car vous êtes venu au secours du monde perdu, confère Saint Bernard. C'est vous qui avez retrouvé la grâce auprès du Tout-Puissant, vous avez trouvé la grâce non seulement pour vous, mais encore pour tous vos enfants. Si notre nature a été réparée, si nous nous avons été relevés de la chute dans laquelle nous avait entraîné notre premier père Adam, c'est à vous, après Dieu, que nous le devons, c'est à vous, après Dieu, que nous sommes redevables de l'immense bienfait, du don ineffable qu'il nous a accordé en nous donnant son Fils. Notre dette, nous pouvons le dire, est infinie, parce que nous avons reçu par vos mains des biens infinis, et que vous donnerons-nous pour y satisfaire, à combien grande est l'impossibilité où nous sommes de correspondre à de tels bienfaits. Marie, que pourrais-je vous donner? Je n'ai autre chose à vous offrir que moi-même. Quel pauvre don! Qu'il est indigne de paraître en votre auguste présence. Mais écoutez pourtant, je me donne à vous tel que je suis, si vous me voulez meilleur, songez à me rendre tel oui, ma mère, rendez-moi bon, obtenez-moi des grâces qui triomphent de la résistance que j'ai opposée jusqu'à présent, et qui domine entièrement sur mon cœur, alors je serai moins indigne de paraître devant vous. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.